tu m'exaspères, petite garce ou tes grands airs. T'es bonne à vivre avec les sœurs, regarde la gueule de ton bonheur. Des miroirs, tu te maquilles trop pour te voir.